Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Nous sommes le 14 février 2022. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux et consiste à célébrer l'amour conjugal pour les mariés et les fiancés, comme l'expliquera un conseiller conjugal. Mais c'est aussi une journée dédiée à la sensibilisation aux cardiopathies congénitales. Et la population d'Angosie a besoin d'un notaire. L'ancien est décédé depuis plus de 2 ans et ceux qui veulent faire notarier leurs actes doivent faire le déplacement sur Bujumbura, ce qui leur coûte cher. Et en actualité internationale, un an après avoir été déclaré coupable, l'ancien chef de guerre des rebelles ougandais de l'armée de résistance du Seigneur, Dominique Ongwen, retourne à Paradiso ce lundi 14 février devant les juges de la Cour pénale internationale qui vont entendre les arguments de son appel. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Et les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. Elle consiste à célébrer l'amour conjugal pour les mariés et les fiancés. Une précision donnée par Benin Daichimie, conseiller conjugal. Selon lui, ce n'est pas le moment pour les jeunes de se dépenser financièrement ni sexuellement. On l'écoute. La définition de la Saint-Valentin, il faut la comprendre par la mission de Valentin et aussi son statut qu'il avait. Ça veut dire que Saint-Valentin, c'est le jour où on commémore, on célèbre l'amour conjugal. Je dis bien l'amour conjugal des personnes conjuguées. Donc, du coup, ce sont des personnes, soit qui se préparent au mariage, ce sont des personnes mariées. Et pour les gens qui ne sont pas mariés, ce n'est pas leur fête. C'est pour eux qu'ils puissent peut-être voir comment s'occuper autrement, d'une façon responsable. Mais ce n'est pas leur fête. C'est la fête des mariés et de ceux qui sont en chemin de se marier. Quel est l'appel que vous lancez à l'endroit des gens qui prennent autrement cette fête, notamment les jeunes? Bon, d'abord, pour les jeunes, eux, comme je l'ai dit, ce n'est pas leur fête. Mais ce qu'ils peuvent faire pour cette journée, pour les jeunes, je les invite à faire une curiosité de voir les messages et les enseignements de Valentin. Qu'ils puissent voir les messages, les valeurs qu'il a promues, tu vois, afin qu'ils puissent étudier comment ils peuvent commencer à faire un comportement responsable pour atteindre les valeurs que la Saint-Valentin a enseignées dans ses enseignements. Sinon, la Saint-Valentin pour les jeunes, ce n'est pas une occasion de se dépenser financièrement, physiquement, sexuellement ou émotionnellement, parce que ils n'ont pas d'objectif de vie conjugale et du coup, cette consommation-là peut les faire ruiner dans leur santé sexuelle. C'était Benny Ndaichimie, il est conseiller conjugal, je vous l'avais dit dans les titres, et c'est aussi le 14 février, c'est aussi une journée dédiée à la sensibilisation aux cardiopathies congénitales. On y revient tout à l'heure. Plus de 200 cadres de différents départements et ministères sont en train d'être formés à la gestion des performances, une formation qui va les outiller dans la bonne planification des projets en des critères de bonne gestion, selon Tade Ndikumana, ministre de la fonction publique. Il ajoute que ces cadres formés seront évalués pour mesurer l'impact de cette formation sur leur travail. Suivez Dr Tade Ndikumana. Et effectivement, nous avons ouvert un atelier de renforcement des capacités à l'endroit des différents cadres de tous les ministères. Et on va renforcer pendant cette semaine à peu près 225 cadres. Ici, la gestion des performances. Et comme vous le savez, la gestion des performances, c'est le leitmotiv du gouvernement. C'est dans les objectifs du gouvernement, c'est que tous les fonctionnaires, travailleurs doivent être rémunérés sur leur performance. Donc, nous avons voulu, comme c'est dans le cadre de notre ministère du Travail, de l'Emploi et de la fonction publique, de renforcer les capacités en gestion des performances de tous les fonctionnaires de l'État. C'est pour pouvoir évaluer et regarder comment les différents secteurs puissent atteindre les performances. Les performances commencent par la planification. Comme vous le savez, chaque ministère a un plan sectoriel et lequel plan est en cadre avec le PND. Et chaque année, il y a une planification annuelle. Et après, il y aura l'évaluation, bien sûr, parce que c'est à travers les planifications qui sont évaluées par le bureau à la présidence qu'on pourra voir si les objectifs de cet atelier de ce renforcement de capacités ont été atteints. Et c'est dans le quotidien et nous pensons qu'effectivement il y aura un léger mieux et parce que c'est l'objectif du gouvernement. C'était Dr Tade Ndikoumana. Et en bref, une femme a été tuée hier soir par son mari qui l'a poignardée au niveau du ventre. C'est sur la sous-colline Mugaruro de la colline Gawazi 1, en commune Manda de la province de Bubanza. Le corps de la femme, qui était même enceinte, a été évacué à la morgue de l'hôpital Manda. Et le présumé auteur du crime a été arrêté par la population et remis à la police. Les voisins de ce couple disent ne rien savoir du motif de ce crime. Et les informations en provenance de l'administration et de la police font savoir que les enquêtes ont commencé. Je vous le disais tantôt, le 14 février de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à la sensibilisation aux cardiopathies congénitales, qui sont des malformations cardiaques présentes à la naissance. Le chirurgien cardiothoracique Pierre Claver Nyonzima indique que ces pathologies sont une réalité au Burundi. Il appelle le gouvernement à s'équiper des ressources tant matérielles qu'humaines pour une chirurgie réussie à l'endroit de ses enfants. Les cardiopathies congénitales, ce sont des maladies du cœur que présente l'enfant à la naissance. En peu de mots, généralement, la circulation fœtale, je dis bien quand l'enfant se trouve à l'intérieur de l'intra-utérine, à l'intérieur de l'utérus, est différente de la circulation de l'enfant après la naissance. Il y a normalement des modifications qui devraient se produire jusqu'après la naissance de l'enfant. Alors, si ces modifications n'ont pas lieu immédiatement à la naissance de l'enfant, ça constitue en soi une forme de cardiopathie congénitale qui devrait être corrigée et l'échéance dépend effectivement du degré de perturbation au niveau de la circulation sanguine de l'enfant après la naissance. Ce qui manque actuellement, ce sont essentiellement les données. Sinon, les pathologies congénitales sont une réalité ici dans notre pays. D'ailleurs, ce n'est pas seulement dans notre pays. Dans tous les pays. Si c'est une réalité, je crois que tous les intervenants dans le domaine devraient, disons, chacun en ce qui le concerne, prendre des mesures. D'abord pour essayer de mener d'actions concrètes dans un proche avenir pour sauver ces enfants qui souffrent de ces pathologies. Et en deuxième lieu, pour prendre des mesures pour la pérennisation de la prise en charge de ces cardiopathies. Alors, je voudrais beaucoup plus me pencher sur les mesures à prendre sur le court terme, parce que déjà, dès lors que nous disons que les cardiopathies congénitales ici au Burundi est une réalité, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour sauver ces vies. Alors, s'il y a un problème organique, le traitement ne devrait être autre que chirurgical. Il faut absolument résoudre ce problème organique. Ce qui nous manque, c'est aujourd'hui des appareils pour qu'on puisse faire une chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Radio Isanganiro, chronique sport. Une fois n'est pas coutume, on passe à la chronique sport. On reviendra sur d'autres nouvelles nationales. Le manque de ballons pour certains établissements scolaires et le défi qui s'observe plus souvent dans l'organisation des compétitions interscolaires. Et pour promouvoir le sport dans les écoles secondaires, Salvatore Gachaca, vice-président de la commission chargée d'organiser les compétitions au ministère de l'Éducation, demande au sport, aux sportifs en général et aux bienfaiteurs de soutenir ces compétitions interscolaires. Marie-Claire Cazenet. Le manque de moyens pour participer dans les compétitions interscolaires est le défi le plus souvent observé dans certains établissements scolaires. Explication de Salvatore Gachaca, vice-président de la commission chargée d'organiser les compétitions au ministère ayant l'éducation dans ces attributions. On n'a pas beaucoup de défis, à part qu'on voit qu'il y a certains établissements qui n'ont pas de moyens pour peut-être sponsoriser ces compétitions. À part les moyens de l'État qu'on utilise, il n'y a pas d'autres sources extérieures qu'on utilise pour ces compétitions. À cela s'ajoute le problème problèmes d'arbitres qui ne suffisent pas, car plusieurs parmi eux sont des enseignants. La plupart des officiels qu'on utilise proviennent des enseignants. Ce sont les enseignants qui arbitrent ces jeux. Et si on n'en trouve pas, on essaie de chercher dans les fédérations, les arbitres des fédérations, et ils viennent pour arbitrer ces matchs. Malgré cela, ce vice-président de la commission chargée d'organiser les compétitions au ministère de l'Éducation indique que les terrains qui abritent les compétitions interscolaires sont disponibles à tout moment. Concernant les terrains pour abriter ces jeux, on n'a pas de problème avec les terrains car la plupart des écoles disposent de terrains. Ceux qui n'en ont pas, c'est de chercher gauche à droite et jusqu'actuellement, on n'a pas de problème avec les terrains de jeu pour abriter les différentes compétitions interscolaires. Dans le but de détecter les talents des élèves, Salvatore Gachaka suggère que la participation soit obligatoire à tous les établissements scolaires. Un appel que je veux lancer, c'est que tous les établissements puissent participer. Que personne ne reste derrière. Il faut franchir le pas et laisser les élèves jouer, participer dans les différentes compétitions qui sont organisées, que ce soit par le ministère, pourquoi pas, par d'autres institutions, un accent particulier sur ces compétitions interscolaires. Ce vice-président de la commission chargée d'organiser les compétitions au ministère de l'Éducation appelle les bailleurs d'investir dans les compétitions interscolaires. Merci Marie-Claire Cazenez. Le programme d'autonomisation et d'emploi des jeunes PAEJ n'est pas encore bien connu par les jeunes, comme l'ont exprimé certains d'entre eux de la province Muramvya au micro de la radio Isanganiro. Par contre, ceux d'Umwaro déclarent être déjà sensibilisés. L'administration annonce que les jeunes réunis dans des groupements bénéficieront à tour de rôle de ce programme. Ils demandent à ces jeunes de se mettre au travail. Oda Naishimi. Le programme d'autonomisation et d'emploi des jeunes PAEJ n'est pas encore connu par les jeunes au même niveau. À Mngaro, les jeunes sont sensibilisés et ont déjà commencé des activités dans le cadre de ce programme. Levin Hamakiriro, un des jeunes du groupement de la colline Matongo, zone Ndava, province de Mngaro, qui a déjà été choisi pour avoir un crédit de PAEJ, annonce que le programme va leur fournir des moyens financiers pour l'achat des porcs, la construction de l'enclos et la nourriture. Cet argent, qui est inclus entre 5 millions et 10 millions, sera remboursé après une année pour aider les autres groupements. Le conseiller chargé du développement en province de Mngaro déclare que les jeunes ont déjà reçu des formations et sont en train de se préparer pour le crédit de PAEJ. Nous avons pu tenir un atelier de sensibilisation auprès des jeunes, plus de 500 jeunes, sur les actions du programme. Jusqu'à maintenant, nous avons même déjà réalisé, je dirais, certaines activités. Je citerai entre autres l'identification des collines prioritaires sur lesquelles le programme va intervenir dans sa première phase, y compris la formation, l'identification des groupements qui seront les premiers bénéficiaires de ces actions. À Muramvya, là où le programme est déjà connu, ils sont encore au stade de constitution des groupements. Malgré cela, même les dirigeants de ces groupements n'ont pas encore bien compris le programme PAEJ. Ils disent n'en avoir que peu de notions au sein de l'administration. En commune Bukeyerutegama, ils annoncent ne pas être suffisamment informés. Le programme PAEJ n'est pas bien connu dans notre commune, du fait que le programme n'est pas encore venu pour réaliser des projets ou bien des activités, ou du moins pour sensibiliser les jeunes. Mais je pense que le programme PAEJ est encore jeune, donc est encore dans le début de ses activités. Et je pense que dans les jours à venir, le programme viendra dans notre commune. On nous a dit de faire inscrire les jeunes, mais nous avons juste donné les noms et les contacts. Nous ne savons rien de ce qui va suivre. Ce programme d'autonomisation et d'emploi de jeunes a été mis en place par l'État afin de réduire le nombre de chômeurs sur toutes les collines des communes du Burundi. Oda Daishimiye. Grogne de la population de Ngozi contre la longue distance faite et beaucoup de dépenses consenties pour aller chercher un notaire à Bujumbura. Elle demande aux instances habilitées d'affecter un nouveau notaire dans cette région car l'ancien est décédé depuis plus de 2 ans. Le gouverneur de la province Ngozi dit être au courant de ce problème et affirme avoir déjà informé les autorités du ministère de la Justice. Apollinaire Munzagara. La province Ngozi disposait depuis l'an 2000 d'un notaire facilitant l'authentification des documents, principalement des diplômes, différents contrats d'achat ou de vente, etc. Ce notaire servait à part Ngozi, d'autres provinces du nord, à savoir Kirundo, Muyinga et Kayanz, les habitants de ces provinces n'avaient plus besoin de se rendre à Bujumbura car tous les services se faisaient en Ngozi. Selon eux, les dépenses de prise en charge, frais de transport sur toutes des témoins étaient exorbitantes. Depuis environ 2 ans, l'ancien hôtel a rendu son âme et dès lors, la population de cette province éprouve les mêmes difficultés d'avant 2000 car elle est obligée de se rendre à Bujumbura, pour chercher un notaire. Les citoyens demandent aux autorités habilitées la nomination d'un nouveau notaire en vue d'alléger leurs souffrances. Le gouverneur de la province Ngozi, Paul Devaranikwa, dit qu'il en a déjà informé les autorités du ministère concerné et qu'il compte suivre de près son dossier. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sanganyiro. Actualité internationale. Ouganda, un an après avoir été déclaré coupable, Dominique Ongwen retourne à partir de ce lundi 14 février devant les juges de la Cour pénale internationale qui vont entendre les arguments de son appel. L'ancien chef de guerre des rebelles ougandais de l'armée de résistance du Seigneur avait été condamné par la CPI à 25 ans de prison pour crimes de guerre et contre l'humanité. En tout cas, selon nos confrères de RFI, l'appel de Dominique Ongwen comprend une part de risque puisqu'il est accusé de crimes de guerre et contre l'humanité. Or, la CPI avait été relativement clémente en lui infligeant 25 ans de détention. Les juges avaient notamment pris en compte son enrôlement forcé par la LRA et son passé d'enfant soldat. Et plusieurs athlètes kenyans ont pris part samedi à Eldoret, dans l'ouest du pays, au World Cross Country, une course de fond à laquelle participait Agnès Tirot, la double médaillée mondiale du 10 000 mètres et quatrième des Jeux olympiques de Tokyo sur 5 000 mètres, assassinée en octobre 2021 par son mari. C'est aussi en son honneur que cette compétition a eu lieu. Elle, qui en 2015 a seulement 19 ans, avait remporté le titre mondial de cross-country et sans surprise chez les femmes. C'est Joyce Jepkemo, gagnante des championnats kenyans de cross-country, qui s'est imposée. Selon nos confrères d'African News, le meurtre d'Agnès Tirot a ému le Kenya et révélé les pressions auxquelles sont confrontées les athlètes féminines pour leur succès dans une société dominée par les hommes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Ndouimana, passez un très bon après-midi.